R.I.G. Oh, l'anarchie, c'est vachement plus ordonné que nous. In R.I.G. 90.7. Ne cherchez plus, c'est 90.7. Tout le monde, comment est-ce que vous allez? C'est Thierry Gallet, c'est une émission enregistrée, donc pas de numéro de saga, mais une saga bien spéciale, puisque c'est une saga de l'amour. L'idée m'a été proposée par Clément, qui avait proposé ça il y a quelques semaines sur Facebook. Et puis je me suis dit, tiens, bah, je vais l'enregistrer, et puis le jour où bah, il y aura... où je ne pourrai pas aller à la radio à RIG, eh bien, j'espère que cette saga sera diffusée sur l'antenne de façon à ce que tout le monde en profite. Donc au programme, John, Paul, Ringo, George, évidemment, mais seulement sur des chansons d'amour. Des fois, il y aura des chansons d'amour tristes, comme par exemple Husbands and Wives de Ringo Starr, mais c'est une chanson que j'adore, sur la fin de l'amour. Bon, mais en général, ce sera quand même des chansons d'amour. Voilà. Donc je vous donne pas le programme, j'ai décidé ça comme ça, on va le faire ça au fur et à mesure, et puis ce sera bien, voilà. Donc 2 heures de Beatles, de John, Paul, Ringo, George, enregistré à la maison, comme si je faisais mon propre album à moi. Je fais ma saga à moi, dans mon home studio, c'est chouette, hein. George Harrison qui ouvre le bal avec cette chanson de 1975, Can't Stop Thinking About You. Can't stop thinking about you. Can't stop thinking about you. Nighttime comes around. hardly express my mixed emotions and my thoughtlessness. After all, I'm forever in your debt. And woman, I will try to express my inner feeling and thankfulness for showing me the meaning of success. Celle d'amour d'un homme pour une femme que moi je dédie à l'amour de ma vie et que vous pouvez faire dédier à qui vous voulez. Et John Lennon, pour une fois, évidemment, on parlait de Yoko, mais a fait cette chanson suffisamment universelle pour qu'on puisse comprendre que c'est juste de l'amour d'un homme pour une femme, et c'est très bien comme ça. Une autre chanson d'amour de 1970, avec une voix extraordinaire. Dans l'album récent The Heart of McCartney, Billy Joel a essayé de s'y mettre, et c'est bien, sa version est bien, mais la voix n'est pas aussi extraordinaire, n'est pas aussi émotive que celle de Paul sur Maybe I'm Amazed. Baby, I'm a man. Baby, I'm a lonely man who's in the middle of. Harrison, John Lennon, Paul McCartney, il manque Ringo Starr. Ringo Starr, que voilà, avec une chanson que vous ne connaissez probablement pas. Ça s'appelle Me and You. Et c'est sur l'album Choose Love de 2005. I won't tell you what to do. No need to tell you what we've been through. I am speaking from my heart tonight. Maybe this time I will get it right. And darling, this is true. It's me and you. I remember when times were bad. You were the best friend I ever had. You were always by my side, it's true. There was no place I could hide my blues. Still we made it through, just me and you. All you need is love. All you need is love. R.I.G., on n'hésite pas, on double les Beatles. The long and winding road that leads to your door will never disappear. I've seen that road. Ans plus tard, en 2003, Paul McCartney passe donc tardivement mais sûrement la blessure d'amour propre qu'il avait eu avec ce Let It Be Naked en tout point conforme à ce qu'il aurait dû être, les Beatles mis à nu. Du rock live, spontané et organique. Les bandes ont donc dû être proprement dépouillées de toute surcharge pondérale et le tracklisting rééquilibré. Exit les très dispensables Digit et Maggie May au profit du déchirant Don't Let Me Down de John. Et même si le travail de Spector avait franchement rien d'outrageant, cette mise à nu permet de reprendre la mesure exacte de ce que les Beatles étaient encore capables de produire en tant que groupe de rock, jouant ensemble et épaulés ça et là par l'organiste, Billy Preston. Le résultat ne trompe pas, rehaussé par un remixage qui met exceptionnellement en relief le travail et la cohésion des cinq musiciens, Let It Be Naked n'apportera rien de plus à la grandeur des Beatles, mais il vient souligner que leur musique n'a jamais eu à souffrir de leur lutte intestine et qu'en studio, la magie a su fonctionner jusqu'au bout et pour le meilleur. Voilà ce qu'on pouvait dire au sujet de cette chanson extraite de Let It Be Naked. Et je vous vous rappelle que si vous souhaitez commenter cette émission enregistrée, vous pouvez le faire sur Facebook, sur dans le groupe La Saga Les Fab Four, ou sur macaclub.com ou sur yellowsub.fr, comme vous voulez, et commenter entre vous, et peut-être, on ne sait jamais, je ne sais pas quand sera diffusée cette émission, peut-être que je serai là aussi pour commenter depuis chez moi. Thierry Gallet, animateur radio, un homme et le The Beatles. Chers auditeurs, nous pouvons l'écouter. Nous en avons la possibilité technique. Nous sommes capables de partager cette passion avec le Beatlesman. Thierry Gallet est devenu cet homme. Passionnant. Passionné. En un mot, le meilleur. L'homme qui aimait les Beatles. C'est exagéré. Sur Érigé, la saga des Fab Four. Allez, deux Beatles plus un. Voici trois Beatles. I Want You, She's So Heavy. John Lennon et les Beatles, forcément, sur Abbey Road. Une chanson extraordinaire. j'adore cette fin. Il paraît que John Lennon a dit à l'ingénieur, tu coupes là. Et l'ingénieur lui a répondu, oui, mais c'est à contre-temps. Et puis, il aurait dit quelque chose comme, tu coupes là et puis fais tout. Non, pour le puis fais tout, je pense que ça, c'est moi qui l'ajoute. Mais c'est sympa et c'est très original. Et surtout que pour les plus vieux d'entre nous, ceux qui avaient un tourne-disque, eh bien, au moment où ça coupait comme ça, eh bien, le bras bloup, revenait. Et donc, c'était la grosse, grosse surprise. Maintenant, avec le CD, c'est différent, mais c'est quand même plutôt une idée originale. Voici Paul McCartney, en 1970, encore sur l'album McCartney, mais quelle belle chanson, Every Night, sur RG. Every night I just wanna go out, get out of my head. Every day I don't wanna get up, get out of my bed. Every night I want to lay out, and every day I wanna do. But tonight I just wanna stay in and be with you. And be with you.

chanson pleine d'espoir de George Harrison en 1979 sur l'album George Harrison. La chanson a été également reprise par Eric Clapton il y a quelques années, en 2005 je crois, je suis pas sûr, enfin, je contrôle et tout ça. Attention, montez le son, sortez les tables et puis vous allez danser. Voici Choose Love, c'est en 2005, là, c'est sûr, et c'est Ringo Starr qui chante. RIG 90.7, la radio des Beatles. Dark clouds in my head disappear. The sky is turning blue. Now you're here. We've come a long way. Choose love. The long and winding road is more than a song. More than a song. Tomorrow never knows what goes on. Extrait de l'album At the Speed of Sound, dans la version deluxe, la version ressortie en 2014. Beware My Love, superbe chanson, signée Paul McCartney, évidemment. On retrouve les Beatles avec une chanson d'amour qui a été, dont le début a été inspiré par... Évidemment. J'arrive dans les conditions du direct. James Taylor, merci de me l'avoir soufflé, ma conscience. c'était Something in the Way She Moves. C'est le début d'une chanson de James Taylor. Eh bien, écoutez le début de la chanson de George Harrison avec les Beatles et vous allez comprendre juste l'influence. Après, le reste, c'est du George Harrison. Attracts me like no other lover. Something in the way she woos me. I don't want to leave her now. You know I believe in how. Somewhere in her smile. Something in her style that shows me. Don't want to leave her now. You know I believe in how. You're asking me, will my love grow? Each one believing that love lives.

John Lennon tout seul pour Real Love, et dans la saga des Fab Four, on double John Lennon. Le revoici avec la chanson qu'il aurait aimé être une grande chanson. Il n'a pas eu le temps de le faire. George Martin l'a aidé en faisant cette symphonie derrière. Grow Old With Me. J'ai peut-être pas été assez clair en début de chanson. D'abord, il y a eu la démo de John Lennon avec Grow Old With Me au piano, et ce que vous entendez, c'est une boîte à rythme pour faire du rythme, justement. Et il avait dit à Yoko qu'il aurait aimé faire une très très belle chanson avec un orchestre, etc. Donc Yoko a proposé à George Martin de faire quelque chose, et c'est ce qu'il a fait. Et en 1998, sur la compile Once Upon a Time, eh bien, on trouve cette très belle chanson de John Lennon. Voilà ce que je voulais dire. Et maintenant, voici Paul McCartney en 2013 sur l'album New et Scared. Il a peur de déclarer son amour. Il faut pas. I'm scared to say I love you. Afraid to let you know that the simplest of words won't come out of my mouth, though I'm dying to let them go, trying to let you know I have to say I'm sorry. Feel sad for me, but the beautiful birds won't

first time in my life. My eyes are wide open. Oh, my lover, for the first time in my life. My eyes can see. Sky, everything is clear in our world. Oh, my love, for the first time in my life, my mind is wide open. Oh, my lover, for the first time in my life. Cynthia, puisque là, en 1971, sur l'album Imagine, il chante « Oh my love, for the first time in my life ». Donc, en gros, il dit à Yoko que c'est celle qu'il aime et dont il ressent un amour extraordinaire pour la première fois de sa vie. Bah, c'est comme ça, ça arrive. Je vous avais parlé en début d'émission d'une chanson triste d'amour, mais d'une chanson sur la fin d'un amour. Et c'est une très très belle chanson de Ringo Starr en 1974. Je vous la passe régulièrement parce que je trouve que sa voix mélancolique va très très bien dessus. Et c'est l'histoire d'un couple qui se défait parce que il y a eu la routine, parce que ça va plus du tout. Mais c'est beau, c'est très très beau. Voici Husbands and Wives sur RIG. Dans la saga des femmes fortes, forcément. Lonely looking like houses where nobody lives. Two people each having so much pride inside, neither side forgives. The angry words spoken in hate, such a waste of two lives. It's my belief pride is the chief cause in the decline in the number of husbands and wives. Two broken hearts, lonely looking like houses where nobody lives. Two people each having so much pride inside, neither side forgives. The angry words spoken in haste, such a waste of two lives. It's my belief pride is the chief cause in the decline in the number of husbands and wives. A woman and a man and a woman, some can and some can't and some can.

voilà, toutes les bonnes choses, même les sagas de l'amour enregistrées, ont une fin. Je vous remercie d'avoir écouté cette saga spéciale et je vous donne rendez-vous une prochaine fois. Enfin, depuis la maison, j'espère, depuis la radio. C'était Thierry Gallet pour la saga des Fab Four sur RIG, bien entendu. À bientôt, salut, ciao.